بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات لهذا الدرس الرابع في شرح أصول الإيمان للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى Bienvenue à tous pour ce quatrième cours dans l'explication des fondements de la foi de l'imam Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullahu ta'ala. ومعنا اليوم الحديث الرابع. Nous allons voir aujourd'hui le quatrième hadith. فقال المؤلف رحمه الله وعن أبي ذر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان فقال أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر قلت لا قال لكن الله يدري وسيحكم بينهما رواه أحمد. Et donc l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il nous dit, et selon Abi Dhar, qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a vu deux chèvres qui s'encornaient mutuellement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a alors dit, « Est-ce que tu sais la raison pour laquelle ces deux chèvres s'encornent, ô Abu Dhar ?» Abu Dhar qui dit qu'il a répondu, « Non. » Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Cependant, Allah sait. » Et il jugera d'entre les deux chèvres rapportées par l'imam Ahmed rahimahullah. فإسناد هذا الحديث فيه إشكال ألا وهو أنه يمر بمنذر بن يعلى عن أشياخ له. Et donc la chaîne de transmission de ce hadith a un problème. Ce problème, c'est que ce hadith et que cette chaîne de transmission, elle va passer par Munzir ibn Ya'la selon certains de ses enseignants. فهم مبهمون. Et donc ces enseignants ne sont pas cités. وهذا ضعف في الاسناد. Et ceci est une faiblesse dans la chaîne de transmission, car on ne sait pas qui ils sont. لكن الحديث له شواهد يرتقي بها الى درجه الحسن لغيره. Cependant, le hadith, il a des shawahid. Et ce hadith, par ces shawahid là, le hadith va monter au degré de hasan لغيره. Hasan pour par la cause d'un autre hadith qui va donc le renforcer. Al-shawahid, c'est le pluriel de shahid dans le sens du hadith. Le shahid, c'est un hadith qui est rapporté d'un autre compagnon que celui qui nous intéresse. Donc nous avons un hadith qui nous intéresse. Ce hadith qui nous intéresse, il a un shahid. Le shahid, c'est un hadith qui est rapporté par un autre compagnon que celui qui nous intéresse et qui va avoir les mêmes termes ou alors le même sens. Qui va avoir les mêmes termes ou alors le même sens. Et par ce shahid-là, le hadith qui a une faiblesse, le hadith qui nous intéresse, il va être renforcé. Comme c'est le cas ici. فَمَثَلًا فِي صَحِيحِ مُسْلِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. Et par exemple, dans le sahih de l'imam Muslim, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez rendre les droits à leurs propriétaires au jour de la résurrection, jusqu'à ce qu'ils soient rendus les droits de la chèvre sans corne, jusqu'à ce qu'ils soient rendus les droits à la chèvre sans corne. De la chèvre qui en a, donc de la chèvre qui a des cornes. Et donc ce hadith-là, il va renforcer le hadith qu'a cité l'auteur Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullahu ta'ala, car ils vont dans le même sens. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيه وصف الله بالعلم فقال الله تعالى يعلم ما بين الشيتين مما يدل على سعة علم الله تعالى. Et donc il y a dans le hadith qu'a cité l'auteur le fait que Allah soit caractérisé par la science, et donc le fait que Allah sache ce qu'il y a entre les deux chèvres, montre le caractère vaste de la science d'Allah, tabaraka wa ta'ala. فَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عِبَادِهِ. Et donc Allah sait parfaitement ce qui se passe entre ses serviteurs. لِذَلِكَ قَالَتِ الْعُلَمَا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا سَيَكُونَ وَمَا لَمْ يَكُنْ وَلَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُنْ. Et c'est pour cela que les savants, ils ont dit que Allah, il sait ce qui fut et ce qui sera, ainsi, mais aussi ce qui n'est pas et que s'il devait être, alors comment il aurait dû être? Allah Ta'ala fa Allahu ya'lamu kulli shay. Alors Allah Subhanahu, il connaît toute chose. Qala Ta'ala, Allah le Très-Haut qui dit: "Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr." وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Et il détient les clés de l'inconnaissable. Personne ne les connaît en dehors de lui. Et il sait ce qu'il y a sur terre et dans l'eau, dans la mer. Et il n'y a aucune feuille qui tombe sans qu'il le sache, et pas un grain dans l'obscurité de la terre, et il n'y a pas quoi que ce soit qui soit humide ou sec sans qu'il soit dans un livre clair, sans qu'il soit inscrit dans un livre clair. Wa hadhihi al-aya min a'zam al-ayat fi bayan 'ilmi Allah Ta'ala. Et ce verset fait partie des versets les plus grandioses, les plus importants dans le fait de montrer la science d'Allah le Très-Haut. Fa fiha awwalan anna Allah 'indahu mafatihul ghaib. Et donc premièrement, il y a dans ce verset le fait que Allah, il possède les clés de l'inconnaissable. Akhraj al-Bukhari fi sahihihi 'an Abdullah ibn 'Umar radiyallahu 'anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس. L'imam al-Bukhari a cité dans son recueil, dans son sahih, selon Abdullah ibn Omar, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les clés de l'inconnaissable sont au nombre de 5. Inna Allah, ensuite il a récité la parole d'Allah Ta'ala: inna Allah indahu ilmu sa'ah wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madha taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayi ardin tamut. Inna Allah alimun khabir. Certes, Allah possède, Allah connaît l'heure. Allah donc possède la connaissance de l'heure. Et il fait descendre la pluie. Et il sait ce qu'il y a dans les fœtus. Et il sait. Et aucune âme ne sait ce qu'elle va gagner demain. Et aucune âme ne sait non plus où elle va mourir. Où elle va mourir. فَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ مَتَى السَّاعَةُ وَمَتَى سَيَنْزِلُ الْمَطَرُ وَمَا فِي الْأَرْحَامِ وَالْكَسْبُ الْمُسْتَقْبَلُ وَكَذَلِكَ مَكَانُ الْمَوْتِ. Et donc personne en dehors d'Allah Ta'ala ne connaît quand sera l'heure, c'est-à-dire la fin du monde. Et personne ne sait quand va descendre la pluie. Et personne ne sait ce qu'il y a dans les fœtus. Et personne ne sait ce qu'il gagnera demain, ce qu'il fera demain. Et personne ne sait où il va mourir. Wallahu ta'ala ya'lamu kulla ma fil barri wal bahr. Et il y a dans ce verset aussi, donc, le fait que Allah Azza wa Jal, il sache ce qu'il y a sur terre et dans l'eau. Fakam min hayawanat al bahriya. حيوانات بحرية لا نعلمها. Et donc combien parmi les animaux marins que nous ne connaissons pas, Allah Ta'ala sait parfaitement ce qu'il y a sur terre et dans la mer. وكل ورقة تسقط في الأرض فالله يعلمها سبحانه وتعالى. Et toute feuille qui tombe sur terre, qui tombe de l'arbre, des arbres, Allah Ta'ala, il les connaît parfaitement, subhanahu wa ta'ala. Wal habba allati fil ard allati tahta al miyah ya'lamuha Allah Ta'ala. Et le grain qui est sous la terre, cette terre qui est sous l'eau, Allah Ta'ala, il est parfaitement connaisseur de ce grain, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal qui dit dans ce verset: وَلَا رَضْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Il n'y a pas quoi que ce soit qui soit humide ou sec sans qu'il soit dans un livre clair, sans qu'il soit noté parfaitement dans un livre clair. Et ceci est très important. Ceci est très important. فَكُلُّ مَا فِي الْأَرْضِ إِمَّا رَضْبٌ Aou yabisoun, car tout ce qui est sur la terre est soit humide ou sec. Soit humide, soit sec. Fahada yubayyinou. An Allah ta'ala ya'lamu kulla shay. Et donc cela nous montre que Allah, il connaît toute chose. Fa'ilmullahi kamil. Lam yusbaq bi jahlin. Wa la yalhaquhu nisyan. Et donc la science d'Allah ta'ala est parfaite. Elle n'est pas précédée par l'ignorance et n'est pas suivie, n'est pas touchée par l'oubli. Allah Ta'ala qui dit en parlant de Moussa, « Qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wa la yansa. » Et donc Moussa qui a dit, « Sa connaissance est auprès de mon Seigneur. » Sa connaissance, c'est-à-dire les générations précédentes. Lorsque Pharaon a interrogé Moussa concernant les générations précédentes, alors là Moussa a répondu en disant, « Sa connaissance... » Donc leur connaissance est auprès de mon Seigneur dans un livre. Certes, mon Seigneur n'égare pas et n'oublie pas. وكذلك في الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن الله سيحكم بين العباد. Et il y a aussi dans le hadith que l'auteur a cité رحمه الله le fait que Allah va juger d'entre les serviteurs. وفيه التخويف من الظلم لأن الله يعلم كل شيء وسيحكم بين عباده حتى بين الدواب. Et il y a aussi dans ce hadith le fait de mettre en garde contre l'injustice, car Allah sait parfaitement ce qui se passe entre ses serviteurs et il jugera d'entre eux au jour de la résurrection, même entre les animaux. وَهَذَا يَدُلُّنَا عَلَى كَمَلِ عَدْلِ اللَّهِ تَعَالَى. Et cela nous montre l'aspect parfait de la justice d'Allah le Très-Haut. ثُمَّ قَالَ الْمُؤَلِّفِ. Ensuite l'auteur il nous dit, رحمه الله, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية. Et donc, selon Abi Hurairah radiallahu anhu, donc là on est au cinquième hadith, selon Abi Hurairah radiallahu anhu, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a récité ce verset, إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. Certes, Allah vous ordonne de rendre les dépôts à leur propriétaire, jusqu'à ce qu'il arrive à la parole d'Allah. Inna Allah kana sami'an basira. Certes, Allah entend parfaitement toute chose et voit parfaitement toute chose. Wa yad'u ibhamayhi ala udhunayhi wallati taliha ala aynayhi. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant ça, il a donc mis ses deux pouces sur ses oreilles et le doigt qui suit les pouces, les deux doigts qui suivent les pouces sur les yeux, c'est-à-dire l'index. Il a mis ses deux pouces sur ses oreilles et ses deux index au niveau des yeux. Rawahu Abu Daoud, Wabnu Hibban, Wabnu Abi Hatim. Donc rapporté par Abu Daoud, Ibn Hibban ainsi qu'Ibn Abi Hatim. Fi hadha al-hadith, ahammiyatul amanah. Il y a dans ce hadith l'importance du dépôt. وهذا عام في كل ما يؤتمن. Et ceci est général concernant tout ce qui concerne le dépôt. فلا يجوز للمسلم خيانة الأمانة. Il n'est pas permis aux musulmans de trahir le dépôt. Allah Ta'ala qui dit, يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Ô vous qui avez cru, ne trahissez pas Allah et le messager et ne trahissez pas vos dépôts alors que vous savez. وقد ذكر الله أوصاف المؤمنين ومن أوصافهم. Et certes Allah Ta'ala, il a cité les caractères des croyants et parmi leurs caractères, Allah Ta'ala a dit, et ceux qui veillent à préserver les dépôts, ceux qui veillent à préserver les dépôts confiés et à honorer leurs engagements. Et certes, mes chers frères et sœurs, nos enfants sont un dépôt qui nous a été confié. Il nous est obligatoire de préserver ces dépôts. Wa fil hadith Et il y a dans le hadith le fait que Allah Ta'ala, il entend toutes choses et voit toutes choses. فَاللَّهُ يَسْمَعُ كُلَّ شَيْءٍ Allah, il entend toutes choses. أخرج النسائي في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. النسائي a cité dans son recueil Sunan, selon Aïcha radiallahu anha qui a dit « Toutes les louanges reviennent à Allah, celui qui entend toutes choses, celui qui entend toutes choses audibles, les codes ja'at khawlah, ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tashku zawjaha, fa kana yakhfa alayya kalamuha, fa anzal Allahu azza wa jal, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha, wa tashtaki ila Allah, wallahu yasma'u tahawurakuma. » Et donc Aïcha, radhiyallahu anha, elle continue, et en disant, certes, Khawlah est venue voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre de son époux. Et certes, j'avais du mal à entendre ce qu'elle disait. J'avais du mal à entendre ses paroles. Et Allah Ta'ala a fait descendre. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Certes, Allah a entendu la parole de celle qui débattait concernant son époux, qui discutait avec toi concernant son époux. Elle se plaignait. Donc, naam, elle se plaignait auprès d'Allah Ta'ala. Et certes, Allah a entendu. Allah, yas wallahu yasma'u tahawurakuma. Et Allah entend parfaitement votre dialogue. Allah a parfaitement entendu votre dialogue. Et donc Aïcha radhiyallahu anha qui était auprès du prophète, elle avait du mal à entendre ce que disait Khawla, mais Allah Ta'ala au-dessus des cieux a tout entendu. Fait même in shay'in masmu'a illa yasma'uhu Allah Ta'ala. Et donc il n'y a aucune chose qui soit audible sans que Allah Azza wa Jal l'entende. Il n'y a aucune chose sans que Allah Ta'ala l'entende. Wa qad dhakara Allah Ta'ala أنه يرى كل شيء. وكذلك عفوا وكذلك في الحديث أن الله يرى كل شيء. Il y a aussi dans le hadith le fait que Allah voit toutes choses. Mais aussi Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran ألم يعلم بأن الله يرى. Ne sait-il pas que Allah voit parfaitement, que Allah voit, c'est-à-dire que Allah voit toutes choses. وفي الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله رد على الذين أنكروا وصف الله بالسمع والبصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أذنه وعينيه ليبين أن الله له سمع وبصر حقيقة فلا يصح التأويل وهذا أصل في جميع الصفات. Et il y a dans ce hadith qu'a cité l'auteur rahimahullah une réplique à tous ceux qui ont rejeté la particularité, qui ont rejeté le fait que Allah voit et entende. Il y a une réplique à tout cela. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré ses oreilles et a montré ses yeux pour attirer l'attention et montrer que Allah azza wa jal entend et voit en réalité. Et donc, il n'est pas possible de faire d'interprétation ici et de dire que ce n'est pas ce qui était voulu par là. Et ceci est un fondement concernant toutes les sifats, concernant tous les attributs d'Allah Azza wa Jal, que nous les affirmons sans faire d'interprétation. Ceci est la base. Wa kadhalika, qawnul ilahi la yubsiru wa la yasma'u. ضعف فيه ودليل على أنه لا يستحق العبادة. Et aussi, le fait que la divinité, elle ne voit pas et elle n'entend pas, ceci est une faiblesse dans cette divinité et ceci est une preuve que cette divinité ne mérite pas l'adoration. Le fait que la divinité n'entende pas et ne voit pas, ceci est une preuve que celle-ci ne mérite pas l'adoration. Allah Ta'ala, فقد ذكر الله تعالى قصة إبراهيم لما دعا أباه وقومه إلى الإسلام. Certes, Allah le Très-Haut, il a cité l'histoire d'Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a appelé son père et son peuple à l'islam. Allah Ta'ala qui dit, إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. Et lorsque il dit à son père, ô mon père, pourquoi est-ce que tu adores ce qui n'entend pas et ce qui ne voit pas et qui ne te suffit donc contre quoi que ce soit? إذن كون الإله لا يسمع أو كون المعبود لا يسمع ولا يبصر دليل على أنه لا يستحق العبادة. Et donc pour Ibrahim alayhi salam, le fait que la divinité, le fait que cette divinité qui est adorée n'entende pas et ne voit pas, cela est une preuve qu'elle ne mérite pas l'adoration. Voilà pourquoi Ibrahim a dit à son père d'adorer Allah Ta'ala, celui qui entend et qui voit toutes choses. فالله تعالى سميع بصير وهاتان الصفتان صفات كمال. Et donc Allah, il entend toutes choses et voit toutes choses. Et ces deux attributs sont des attributs de perfection. وبهذا نكتفي إن شاء الله تعالى. Et on va se suffire de ça aujourd'hui. إن شاء الله تعالى. On demande à Allah عز وجل qui nous accorde la réussite. Il est certes capable de toutes choses. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.